بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنا أخذنا في الدرس الأول le premier درس qu'on a fait on avait cité la première accusation أن الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى بن علي الحجوري أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقولون هؤلاء أنه يكريتك النبي عليه الصلاة والسلام et on a cité la parole de الشيخ sur laquelle il s'appuie et ولله الحمد on a répondu et on a montré أن الكذاب الأفاك عرفات il avait pas cité le calam de الشيخ بن باز complètement il a fait croire à Nashir ibn Baz, il a une position et il n'a pas cité son kalam qui est avant et qui est après qui explique يعني, cette phrase qu'il a citée. Ça c'était le premier tambih par rapport à cette mas'ala. Le deuxième tambih, نقول لهؤلاء أين الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآن leur قصد ils prétendent أنهم يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام ils prétendent défendre l'honneur du prophète عليه الصلاة والسلام ils prétendent répondre à ceux qui critiquent le Nabi صلى الله عليه وسلم نحن on leur dit allez où cette غيرة cette jalousie que vous prétendez alors que le kalam de Sheikh il date probablement de 10 ans pourquoi cette jalousie Al-An vous l'a manifesté Limada il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans Limada vous n'avez pas défendu Rasulullah Il y en a celui qui critique ou qui insulte Rasul on est obligé nous de défendre le Nabi Tu n'as pas à attendre un jour, une semaine, un an peut-être si tu es sincère nous dit Al-An Limada cette longue attente Limada Ça montre que Al-Qasd, ce n'est pas le Nasiha. Al-Qasd, comme on l'a dit, c'est que Cheikh Yahya Hamidallah, il a parlé sur la tête du Hizb. Une fois qu'il a parlé sur leur Cheikh, ils ont cherché des erreurs et ils ont trouvé Midlad al-Kalam et ils essayent de faire tomber la da'wa. Wa illa, Rubbama Ha'ula, t'aurais critiqué son père ou sa mère ou son frère ou sa femme, Rubbama. À l'instant même, il réplique. Ah oui, il peut aller beaucoup plus loin que la réplique. Limada, il a une mahabba pour son père, pour sa mère. Limada, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous avez attendu tout ce temps. Allah yajouz. Thaniyan, aina al-hukm al-shar'i. Al-an, celui qui insulte ou qui critique le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hatta il critique son honneur, une de ses femmes. Ou il insulte, ou il l'accuse de zina, son hukm il est ma'rouf. C'est un zindir, c'est un kafir. C'est un munafiq s'il prétend l'islam. Fa aïna le hukm al-shar'i. S'ils sont à la haq, limada ils n'appliquent pas ce hukm à la shir. Ils disent c'est un kafir, c'est un zindir. Li annahu il a accusé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Limada. Li annahum leur hujja elle est da'ifa. C'est à Shubha, mettre des doutes. Faqad. Ils savent très bien que le Cheikh il n'est pas Haoul Hada. Ils savent très bien, c'était ses élèves. Al-Nashir il a sacrifié sa vie, ou une grosse partie de sa vie pour Sunnat al-Nabi. Tout le mal al-An. Les attaques, que ce soit par Rafida ou autre, les accusations, tout ça c'est parce qu'il est à la Sunnat al-Nabi. Wallah, il serait Haoul al-Dunya, personne ne parlerait sur lui. Il serait Haoul al-Mal, Haoul. Les gens, ils ne seraient pas en train de parler sur lui. Les gens, ils ont parlé sur lui, les mara, ou haoula al-dhullat, les annaoum, ils ont vu qu'il était à la khayr. Ces deux lazim al-an, ces deux choses qu'on vient de citer, ça implique, c'est une implication de leur accusation. Si tu prétends vraiment qu'il accuse le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conseille-le, s'il n'applique pas, applique le jugement sur lui. Annaou, il ne respecte pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Annahu yata'an fi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Applique un jugement. Hatta les gens ne s'égarent pas. Kadhalik, la chose qu'on a citée, n'attendez pas. Ta'lamoun an-nashikh, il y a des milliers de visiteurs par an. Il y a des milliers de tullab. Ça vient, ça part. Et des fatwas par téléphone. Il a un site internet. son kalam il est propagé. Enfin, laissez pas les gens s'égarer. S'il est vraiment ala hada, fa montrez wa baynana wa baynakum al burhan. Entre nous et vous, ad-dalil, fsahla. Faites-lui la place. هذا التنبيه الثالث أن السكلام قلنا سيتي لو برومي درس كما تعلمون إلي قديم عن كلام إلي أنسيان فتنة فالح الحربي الضال المنحرف ces élèves ils ont critiqué le cheikh par rapport à cette مسألة il y a eu une فتنة كبيرة في هذا فالشيخ يحيى حفظه الله il avait parlé, il avait cité un kalam قال في رد الجهلات الزعابي كانه الزعابي أو الزعابي الشيخ يحيى لا رد على هذا الرجل par rapport à cette مسألة قال ومع ذلك كلام الشيخ هذا ومع ذلك فلما حمل كلامي بعض الناس على المحمل السيء الذي لا يحتمله كلامي ويرفضه السياق الشيخ حفظه الله الآن يمطر أن بعض الناس ils ont pas compris sa parole ce qu'on a cité avant avec le tafsil سنة توفيقية توقيفية ils ont pas compris هذا الكلام et ils ont pris des parties et ça fait une fitna لأن surtout الآن المصيبة الآن أن la communication elle est très rapide un كلام sur internet ربما des milliers de personnes ils le lisent en quelques heures فبعض الناس ils ont pas le قدرة ils ont pas compris le كلام ça fait une fitna فقال الشيخ فقلت حين ذاك الشيخ استبق إلى بدي أنا أرجع عن هذه أو عن هذا الأسلوب وأستغفر الله منه قطعا لدابر الفتنة التي يتقصدها بعض الناس سأسمت حكمة الرجل سأسمت son رفق أنه son but c'est de préserver المسلمين لأن cette كلمة بعض الناس ils n'ont pas compris ça a divisé فالشيخ il a dit je reviens sur ce كلام Je reviens sur ce kalam, les nabards de Nas, ils ne comprennent pas. On délaisse ce kalam et on n'en parle plus. Esma' qal al-shaykh walakin fitnatuhum lam tanqati' lima arib ya'lamuha Allah. Al-an, nahnu répond à haoula, que ce soit Arafat ou autre. Le kalam il est ancien. Le kalam il est haq. On a lu le tafsil de Ahl al-ilm dans le premier dor. Al-an, al-shaykh, ça fait une fitna. Pour couper, pour arrêter cette fitna. Il dit on délaisse ce kalam. Khalas, astaghfirullah. قال الشيخ ولكن فتنتهم لم تنقطع. Normalement, s'ils seraient sincères, ils veulent le haq. Même si le cheikh s'est vraiment trompé, ils disent il a fait tawbah, khalas, plus besoin de parler de hada. Il a dit astaghfirullah. Falimada, vous répétez ce kalam. C'est quoi le cause? Ça serait réformer et arrêter l'erreur. Cette soi-disant erreur, le cheikh il a dit khalas, on arrête. Falimada. C'est quoi le but? خاصة ce كلام الآن de الشيخ ربما il est 1425 1424 à peu près 2005 2004 2006 enfin ربما ça fait 8 ans alors لماذا ce كلام il sort الآن c'est quoi le but إلا Il y en a leur but, c'est de faire tomber le rajul. C'est ça le but. Il a parlé sur leur shirk, on doit parler sur lui. Ils ont cherché et ils ont trouvé ce genre de choses. Lakin, walillahi alhamd, l'affaire elle est wadiha. قال الشيخ ولكن فتنتهم لم تنقطع لمآرب يعلمها الله ويدركها البصراء c'est le hasad ce qui les pousse le hasad Allah a'lam qui c'est qui pousse ses élèves Allah a'lam يعلموا أنه c'est pas nouveau الشيخ مقبل رحمه الله il avait une jama'a d'élèves ils étaient à la khayr ثم فتنة الجمعيات خاصة من الكويت etc ils sont venus pour faire du mal ils lui ont pris de ses élèves ses élèves c'est devenu les élèves de الشيخ مقبل يردون عليه ils ont fait du mal ou ils ont essayé de faire du mal rahimallah ils ont fait du mal qu'à eux-mêmes هذا هؤلاء c'est la même chose Allahu a'lam ils sont poussés par qui le but c'est d'éradiquer ce marquez c'est ça le but هذا المركز il fait du mal الروافد ils l'ont attaqué لأن il leur fait du mal الكفار ils font tout pour empêcher les gens à venir ici لأن ce marquez il appelle الدين الحق هذا فهؤلاء ils sont مدفوعون Allahu a'lam عند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم قال ومنها هذا المقال الذي أناقشه الآن فأجدني مضطرا لتوضيح الحقيقة التي دان بها السلف الأخيار ضد مذهب أو مذاهب أهل البدع الأشرع. انتهى. نعم. وحتى نحن من هذا الباب الحقيقة الأمر لواضح حتى الشيخ الآن يتموت خلناه سيسا فتلا فتنا إلى آخره. فنترك هذا الكلام أي دومون باردون الله عز وجل. فالسلوك بالحق سكلام، لكن يعني تعلمون بعض الناس ils ont des convictions ما ندري كيس كيبل صلى الله يكفينا شرهم. كذلك une mas'ala qui se rapproche à la première qu'on a vue, وهي قولهم أن الشيخ يحيى حفظه الله يقول أن السنة معظمها وحي. ça c'est مهم. Ils attaquent et ils accusent le shir annahu yaqul anna sunna, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mu'zamuha, la plupart de la sunna c'est la révélation. Et tu comprends min hadha al-kalam anna y a une part de la sunna c'est pas de la révélation. Hakadha ils accusent. Qala al-shaykh hafidhahu Allah. On lit le kalam du shaykh sur quoi il s'est basé. Arafat. قال الشيخ يحيى سدده الله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا فالسنة توقيفية وتوفيقية. Ça on l'a vu dans le premier درس. قال أما على التوفيق على دليل يأمره الله بذلك. السنة elle se divise en deux. توقيفية وتوفيقية. التوقيفية أي un دليل. La révélation, elle descend sur le prophète sallam et elle l'ordonne de faire telle chose, ou de dire telle chose, ou d'appeler à telle chose, ou d'interdire une autre chose. Ça c'est at-tawqif. Et le Nabi sallam il parle pas tant que le dalil ou tant que la révélation elle descend pas sur lui. L'exemple, مثلاً قول الله عز وجل يسألونك عن الروح. Une personne elle est venue demander au prophète sallam عن الروح, عن l'âme. Il a demandé au prophète sallam c'est quoi cette âme, الروح. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est tué. Hatta un verset il est descendu. Hatta un verset il est descendu sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. قل الروح من أمر ربي. Ça s'appelle sunna tawqifiyya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il attend la révélation, ثم il parle. قال أما على التوفيق يقره الوحي على ذلك وهذا تأصيل جيد فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة سنته. La deuxième, التوفيق. أي النبي صلى الله عليه وسلم il parle, il dit une chose ou il fait une chose et la révélation elle descend pour appuyer cette chose. Vous avez vu la différence. Le premier cas, le wahi descend avant. Le deuxième cas, le wahi descend après. قال الشيخ حفظه الله فأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من رب العالمين. الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم c'est le wahi, c'est la révélation. قال فمنه القرآن كله وحي ومنه السنة ومعظمها وحي. هؤلاء ils se sont accrochés sur cette phrase là. Le Coran entier c'est la révélation et السنة معظمها, la plus grande partie c'est la révélation. قال ومنها ما يجتهد فيه فيوفقه ربه في ذلك الاجتهاد ويقره عليه ربه الذي أكرمه بهذه المنزلة منزلة الاجتهاد وزاده إكراما بتقريره عليه. تقدم معنا قول عامة أهل العلم نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء يجتهدون. Ils peuvent faire l'ijtihad, un effort dans une mas'ala. Cet effort, ça peut être haq, mais la plupart du temps c'est correct. Al-Wahi, il appuie. Ça peut être une erreur, Al-Wahi, il rectifie cette erreur. Taqaddam ma'ana. Al-An, Cheikh Yahya son kalam, il te montre qu'anna sunna, mu'zamu wahi, c'est la révélation. Lakin, oublie pas que l'ijtihad, si c'est une erreur, الوحي descend pour rectifier cette erreur. فهذا قال et il a montré le shaykh أن هذا في الحقيقة ça montre le rang du prophète عليه الصلاة والسلام أنه même s'il y a une erreur الوحي descend sur lui et cette erreur elle est rectifiée contrairement à autre que le prophète عليه الصلاة والسلام ou les prophètes عليهم السلام. La personne, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper et il reste sur cette erreur. Amma al-anbiya fala. Haqiqa, ce cours, il est lié avec le premier. Enfin, ceux qui n'ont pas assisté au premier, rubbama, des choses, ils ne comprennent pas. Mais idnillah, les frères qui étaient là, ils leur expliquent. Ah, ou ils écoutent le premier audio. Si tu as compris ça. Lakin al-kadhab al-affak, il a coupé كذلك le kalam هنا. قال عرفات الكذاب قال قول الحجوري الوحي من رب العالمين فمنه القرآن وكله وحي ومنه السنة ومعظمها وحي. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas cité التفصيل التوفيق والتوقيف avec les adillah. Avec كلام أهل العلم qu'on a cité avant. Et il le connaît, هو هذا. لا تظن إلى il fait ça à la jahl, c'est un jahl. Lakin, il connaît des choses qu'il pousse à hada, c'est le hiqd. Al-miskin, il croit que c'est lui qui va faire tomber Foulan ou Foulan. Al-amr, il est biyadillah. Allah, s'il veut garer quelqu'un, tu ne pourras pas le guider. Wa man yudlillah, fa la hadiya lah. Amma, al-miskin, il croit qu'avec ce kalam, khalas. Avec ce kalam, il croit que Ahl al-Haq, ils vont fermer les yeux et ils vont le suivre aveuglément. Abadal. أخونا الشيخ سعيد بن دعاس عليه رحمة الله قال فتبين بصريح سياق الكلام الآن avec la parole qu'on a cité du Cheikh complète تبين قال أن المقصود بمعظمها وحي ما كانت منها توقيفا بوحي من الله الآن la révélation quand on dit la sunna c'est une révélation أي بالتوقيف ça on a aucun doute في هذا il y a un verset qui descend sur le prophète صلى الله عليه la révélation, sunna. La chaque semaine le wahi, c'est la révélation. La ahad yaqul, c'est pas la révélation. Qal wa bima ada mu'azamuha at-tawfiq alladhi yuqirruhu al-wahi. La kama iftara Arafat. Al-an kalam al-shaykh mu'azamuha wahi, il est fi at-tawfiqiyya. Est-ce qu'il y a un ijtihad am la? Si y a un ijtihad, est-ce que ce ijtihad il est sawab am la? Et ta'lamouna anna معظم اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم صواب لكن قد يحصل شيء من الخطأ on avait vu قول عامة أهل العلم أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر ليسوا معصومين من الصغائر تقدم كلام شيخ بن باز شيخ بن عثيمين فهذا فمقصود الشيخ في السنة التوفيقية توفيقية معظمها سلوحي أما الاجتهاد سيا خطأ فالوحي دي صائغ اكتفي ستغار على كل حال الكل سمين الوحي على هذا ستكونقي هذا التفصيل قال الشيخ سعيد رحمه الله ثم نقل أي الشيخ سعيد رحمه الله كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شاقلة كأنه هكذا شاقلة قال في جوابات مسائل قال والدليل أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحي وانتهى قد كان بآرائه واجتهاده أنه قد عوتب على بعضها هذا الكلام الآن ابن بطة تأمل يقول قال والدليل أن سنته في أوامره قد تكون قد كان فيها بغير وحي الآن ابن بطة اتمت أن دي الشوز كالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ربما ستبقى أبوي بغل وحي الآن سيكزاكتمون سكي دي الشيخ بل الشيخ لا بايته سيكليخ كسا فلماذا الكذاب لا يرد على هذا pourquoi il dit pas à Ibn Battah et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il rapporte son calam anna des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pu dire c'est pas min al-wahi c'est ça ou son intiqad et la preuve comme il dit قال أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عاتبه عليها أي الله عز وجل et هذا c'est مهم مثلا لقد يكون في عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد إلى فان اجتهاد لأن يبي كبار قريش معه يقول له فيق دعوة عليه الصلاة والسلام et un aveugle est venu النبي صلى الله عليه وسلم il a fait un effort عليه الصلاة والسلام il a pensé أن je vais déjà appeler هؤلاء à l'islam et si ils rentrent dans l'islam كثير من الناس ils vont les suivre c'est معروف هذا les gens de haut rang s'ils rentrent dans le din, qu'a-t-il mis les nains, il les suit. Fannabi sallam, quand il est venu cet aveugle à lui, il a continué à parler avec Haoula. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu un verset. Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Ça, c'est un itab, min Allah. On ne peut pas dire que ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien le wahi. Le wahi, il a corrigé. Et le wahi, il ne peut pas se contredire. Vous avez compris l'an, al-mas'ala. Amma ha'oula, la, la yafhamoun. Les anna, ils ont un mabda, anna, ils n'ont pas compris mas'alat al-isma. Et ils n'ont pas compris mas'alat al-ijtihad. Aïe, ijtihad al-anbiya. Hadafa, pour eux, il y a une contradiction et ils n'ont pas compris. Et après, Allah Azza wa Jal, fas'alu ahlat dhikrin kuntum la ta'alamoun. Ils auraient demandé à l'ilm, ils auraient compris cette mas'ala. Là qu'ils se sont précipités et leur mauvaise niya faire tomber, ils ont cité ce cas-là. Amma al-an ibn Battah, il le cite clairement. Qala, walaw umira biha, lama atabahu alayha. Naam. Le verset, s'il est descendu pour corriger, c'est qu'il y a eu une erreur. Tu ne peux pas corriger le haq. Abadan. Et le wahi ne se contredit pas. Si une correction, elle descend, c'est que la première chose, ce n'était pas min al-wahi. La révélation, elle ne peut pas se contredire. Abadan. Ah, c'est ça, kalam al-sawab. Et il l'a cité clairement, on a de nos battes. Qala min dhalik hukmuhu vi asra badr. Wa akhdal vidya. وإنه في غزاة أو في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له. C'est pour ça qu'Allah il a descendu le verset عفى الله عنك. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a donné l'autorisation à بعض الناس في تبوك, c'était des munafiqun, ils avaient des excuses, c'était pas des vraies excuses. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a donné l'autorisation. Allah il a descendu un verset عفى الله عنك, qu'Allah te pardonne. La chaque que il y a eu une erreur. Ah, mais pourquoi descendre ce verset s'il n'y a pas d'erreur? Mais leur mauvaise niya, ils se sont égarés via Dalbab. الشيخ يحيى وفقه الله على هذه المسألة هل السنة معظمها وحي أو كلها وحي؟ نعم أسئلة أصحاب إب هل السنة معظمها وحي أو كلها وحي؟ قال فأجاب حفظه الله السنة ils ont posé la question à الشيخ قبل أيام vous avez assisté à هذا il y a quelques semaines ils lui ont demandé est-ce que السنة c'est kulluha wahi, c'est toute la révélation, ou il y a une partie, c'est pas la révélation. Qala as-sunna kulluha wahyun. Jawab il est clair. As-sunna, c'est la révélation. Qala Allah azza wa jal, wa ma yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Abdullah ibn Amr, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruj minhu illa haqq." Il a cité deux dalils pour montrer à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a parlé du haq. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa parole c'est la révélation. Al-Shaykh il cite هذا لأن ces personnes qui ont propagé son kalam, ils veulent faire croire que Shaykh il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des fois il parle pas du haq. بهذا الإطلاق sans faire le tafsir. Ou أن Shaykh Yahya il respecte pas le Nabi alayhi wa sallam. استأمل الآن الكلام. الكلام il est واضح. قال وعلى ذلك قال ابن كثير في أول تفسيره وغيره من المفسرين إن السنة كلها وحي كلام جيد ولشيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير كلام جيد حول السنة نعم إلى ستي بارول ابن كثير بارول شيخ الإسلام كي مونتر أن السنة سي الوحي سي لا ريفيلاسيون قال الشيخ قال وعلى ذلك أهل العلم إلا أن منها ما هو توقيفي قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الشيخ الآن va faire le tafsir cette sunna il y a une partie qui est توقيفي أي النبي صلى الله عليه وسلم il ne fait pas la chose donc la révélation n'est pas descendue مثلا le verset ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لما جاء ذلك الرجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب Premier exemple, on l'a expliqué. Une personne allait lui voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé sur Ar-Ruh, aïe l'âme. Il veut qu'il lui explique, c'est quoi cette âme, Ar-Ruh. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué. Le verset, il est descendu. Qul ar-Ruh min amri Rabbi. Aïe, cette âme, C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui sait comment elle est. Nous on ne sait pas. Si on demande à un de définir ton âme, tu ne pourras pas. Ça c'est ilmun yakhtas billah azza wa jalla. Deuxième exemple, rajulun. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a demandé cette question, Ya Rasulallah, كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب. Une personne, il est rentré en ihram pour faire la umra et son corps y avait du parfum. Il savait pas. Il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est tué. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. ساعة أي وقت. Il s'est tué pendant un temps. Al-Wahi il est descendu, Jibril il est descendu et il lui a donné la réponse. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu, tu dois faire kada wa kada wa kada. Ça montre anna sunna elle est tawqifiyya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle pas tant que la révélation elle descend pas. Le deuxième nom, قال الشيخ ومنها توفيقية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيأتي الدليل فيؤيد قوله أو قوله. Deuxième, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit une chose ou il fait une chose, la révélation elle descend. Enfin, elle appuie son qawl. أحيانا الاجتهاد كما on a montré الأنبياء ils sont pas معصومون من صغائر الذنوب فسنبي peut se tromper جبريل descend et il lui montre الحق فهذا قول شيخنا السنة معظمها وحي هذا معظمها وحي أي ce qui fait pas partie du وحي c'est une chose un اجتهاد si il y a une erreur le وحي descend il rectifie cette erreur et on a cité كلام أهل العلم dans le premier dar فلا إشكال على هذا. Une autre مسألة qui a rapport avec toujours avec الأنبياء والرسل أن الشيخ قول هؤلاء أنه يرسبكت بالأنبياء أو يطعن فيهم. قال عرفات الحجوري أقر وأذن بنشر رسالة يقول فيها صاحبها. Cette مسألة elle est connue, معروفة. Un élève d'ici, de Dammaj, un élève de Cheikh Yahya, il a écrit une risale. Et à la monde, ceux qui écrivent une risale, Kathir Minhum, elle n'est pas propagée sans l'autorisation de Cheikh. Cette risale qui a été écrite, on va lire une partie, Cheikh Abidallah, il a donné la permission de la propager. Et dans cette risale, cet élève, il a dit, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل أو حجة. فعرفات il a rapporté cette parole. لكن عرفات c'est un كذاب. C'est un كذاب أفاك. C'est pas qu'un كذاب فقط. C'est un كذاب et c'est un أفاك. أي لكثير الكذب. Il a coupé la parole, il a emmené cette kalima. Cette kalima, الآن, elle est خطيرة جدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل أو حجة. On n'accepte pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم sauf s'il a un dalil. C'est un كلام غريب هذا. حتى العوام ما أظن يقولون هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est صاحب الوحي. الآن هو يفعل apparaître أن هو يجي pas que c'est cet élève qui a écrit là, lui il accuse dommage Cheikh Yahya et tous les élèves. Yaqulun hada. Qala al-akh, on lit la parole entière du frère et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence et vous allez être convaincu anna ar-rajul san kadhab. Ay Arafat. Qala al-akh, ce frère qui a écrit cette risala, risala elle s'appelle Mulhaq an-nadhar ma'a bayan lima badarahu Abd al-Rahman al-Adani fi Dammaj min al-Adra. Il a fait une risala pour montrer la fitna de Al-Adani. قال cet élève il a dit في مسلم أي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل. Elle est connue l'histoire. Anna Nabi صلى الله عليه وسلم il est venu à la Médine et ses compagnons ils étaient une période أنهم ils récoltaient les dattes des palmiers. Ils ont demandé conseil au prophète alayhi salatu salam. An-Nabi sallallahu alayhi salam, il leur a donné un conseil. Il leur a donné un conseil. Thumma, les compagnons, ils sont revenus voir An-Nabi sallallahu alayhi salam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, on a fait ce que tu nous as dit, et ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. An-Nabi sallallahu alayhi salam, il leur a répondu, qala innama ana bashar. Je suis un être humain. Qala idha amartukum bi shay'in min dinikum fakhudhu bih. Si je vous ordonne quelque chose qui est lié au din, prenez-le. Si c'est din, prenez. Et comme il a dit Abdullah ibn Amr, la yakhruj min hadha illa al-haq. Il n'y a rien qui sort de cette bouche illa c'est haq. Thumma il leur a montré, qu'al alayhi sallallahu alayhi wa sallam, idha amartukum bi shay'in min ra'i fa innama ana bashar. Amma si c'est une chose qui n'est pas liée avec le din, comme cette affaire là, avec les dates, ce n'est pas une chose qui a lien avec la religion, c'est une chose de dunya, des récoltes. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit ana bashar. Je suis un être humain. Qal al-an, suivez. L'élève l'an de Sheikh, il a écrit ce hadith. Il a écrit ce hadith. Thumma il a dit فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْبَشَرِ لَا يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ أَوْ حُجَّةٍ. الكذاب il a عجيب ما أدري comment il a pu faire هذا. C'est عجيب لأن l'élève il dit فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Cette histoire qu'il a citée, c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqul, faman duna, le fa, fil lughal arabiyya, ça peut être harf atf, et ça peut être, il peut avoir le ma'na, al-isti'naf, fa isti'nafiyya il l'appelle. Aïe, ce qui va venir après le fa, c'est un kalam jadid. Al-élève yaqul, faman dunahu min al-bashar, la yuqbal qawluhu illa bidalil. فالآن تكون قوم من هذا الكلام أن السوكي بيان أبخى النبي صلى الله عليه وسلم فتكسبت بالقول صف سي إلى أن دليل عرفات إلي فنو إلى الفيتوسة وقال إلى دي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل وحجة. Personne n'a dit هذا في الرسول. Il a dit من دونه أي السوكي بيان أبخى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا تولف هذا الكلام؟ Il a mis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال كذا. Ça c'est du كذب. قد يقول قائل فمن دونه. Ça peut être al-atf. صحيح. Ça peut être al-atf. مثلاً. Et c'est ça qu'il a compris Arafat. Il a compris un des sens. Et vu qu'il a vu que c'était une erreur grave, il essaye de le coller à Shia. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه. Aïe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui viennent après lui, t'acceptent le قول إلا بحجة. هذا صح خطا الان يود النصيحه qu'est-ce qu'il aurait fait. Il aurait écrit à cet élève ou à Cheikh et il lui montre ya akhi, si ton intention c'était kada, c'est grave, taqilla. Si ton intention c'est pas kada, fa montre, démontre que t'as pas voulu kada. هذا il aurait fait ça طيب الدين النصيحه. اما الكذاب لا, il sait très bien qu'il y a deux sens et il sait très bien qu'est-ce qu'il a voulu l'élève. Ça طالب علم. Un talib ilm, abadan, il va dire ce kalam. Un ami, ربما, il ne dit pas mitla hada al kalam. Lakin, huwa, il a vu une porte ouverte. Son intention, kama ta'lamoun, c'est de faire tomber Cheikh et de faire tomber cette da'wa. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, hafidun dina. Fahada. Fal'an, on répond à deux choses, ou par deux points. Awalan, le kalam en tafsir. Al'an, on le fait le tafsir. Et les redoutes qu'il y a eu, ils ont fait ce tafsir, montrer Anna al-Murad, c'était kada. Et c'est là que tu comprends Anna. Là, celui qui a une mauvaise niya, ta'alamoun Anna ba'd al-Nas, il s'égare avec un verset du Coran al-Karim. Ta'alamoun Anna. Ta'alamoun Anna, celui qui a une mauvaise intention, un verset du Coran, il peut le comprendre avec ses passions, il s'égare. Al-Khawarij, ils se sont égarés qu'avec des versets du Coran. Ils les ont pas compris, ils ont pas voulu revenir aux savants. Et ils se sont égarés. Al-Murji'a, al-Jahmiya, al-Mu'tazila. Il pense que c'est comme il a compris avec ses passions, il s'égare. Ma balouk, la parole du frère. La parole du frère, tu peux la comprendre par plusieurs choses. Nous, on ne dit pas Anna, le frère, il est infaillible. Lakin, si tu as pensé qu'il a pu se tromper, conseille-le. Et lui, le frère, va dire là. Comme il a montré. Là, Anna, mon but, c'était kada wa kada. Et Tayyib, tu conseilles. Robama, reformule ta phrase. Robama, il y a des gens, ils vont mal comprendre. Tayyib, on reformule la phrase. Ammatan, hakada, sans nasiha. Il enlève la moitié du kalam. Et il conclut, ils aiment par Rasoul. Fana'oudou billah min hada. Ou il conclut, Anna, on respecte par Rasoul. Deuxième chose. Al-An, vous avez remarqué que le kalam qu'on a lu, c'est le frère. Al-An, huwa, ce kalam, il l'a mis où? Il l'a mis dans les fondements que Cheikh Yahya il a khalif. Cheikh Yahya al-An, pour l'instant, il n'a pas parlé. On va voir, il a fait. Il a donné la permission. Al-An huwa, le kalam, il l'a cité dans cette risala, Ar-Radd al-Fawri, pour montrer les fondements que Cheikh Yahya il a khalif. Parmi ces fondements, le non-respect du prophète alayhi sallam. Nahnu, on lui dit, awwalan, c'est pas que Cheikh il a fait une muqaddima d'un livre, que forcément il est d'accord avec tout. Ta'alamoun, un cheikh, il a des dizaines de racines, il est robama par semaine. Enfin, la cheikh, elle a des fois, il n'est pas tout. Ahyanan, lui-même, il le dit, cheikh, Havidallah, et les savants, c'est ma'arouf, des étudiants, ils leur amènent des livres, ils ne disent pas tout à la lettre. Abedan. Ahyanan, ça arrive, il le dit, j'ai tout lu. Ahyanan, il dit, j'ai lu la plupart. Ahyanan, il dit, je l'ai feuilleté. Ça ne veut pas dire que Cheikh il est d'accord avec tout là. Si tu montres à Cheikh, maintenant tu l'appelles, il y a Cheikh, t'as donné la permission que ce livre il se propage, il y a une erreur. Si Cheikh il dit, il s'entête, maintenant il dit là, je reste sur ça, Al-An, c'est comme si c'est Cheikh qui avait parlé. Donc si tu lui montres, il te dit, là, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a. Et lui-même il le corrige. Falimada, tu dis Cheikh Yahya Yaqoul Hada. Ah oui, il est d'accord avec Hada. Deuxième chose, Anna, tu prends l'exemple. Un livre, il s'appelle Al-Siraj. Al-Siraj Al-Wahhaj. Al-Siraj Al-Wahhaj. L'Abi Al-Hassan Al-Maftoun. Al-Dhal. Abu Al-Hassan Al-Misri. Un égaré. Il a écrit un livre, Al-Siraj Al-Wahhaj. Ce livre, il y a Muqaddima de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Muqbil. Quelques mois après, quand Cheikh Muqbil est mort, la fitna d'Abi Al-Hassan, elle est apparue. Al-Sheikh Yahya, Cheikh Rabi'i, il rate sur ce livre. Il y a des erreurs, des égarements. Est-ce qu'ils ont dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbil, c'est des égarés? Pourtant, ils ont fait la préface du livre. Ça, c'est pour vous montrer que le savant, s'il fait la préface d'un livre, ça ne veut pas dire toutes les erreurs qu'il y a dans le livre, il est d'accord. Lui, il a donné, déjà, il a une bonne opinion du frère, et il lui a donné l'accord. Si tu lui montres qu'il y a une erreur dans le livre, Ibnillah, c'est le premier à revenir. On dit à Arafat, Limada, tu ne montres pas l'égarement de Haoula qu'on fait la préface. Limada. Si c'est Shir, c'est un égaré. Si c'est les autres, ils sont pardonnés. Ça montre Adam al-Insaf. Ça montre un Rajul, il a voulu montrer des soi-disant erreurs et il a oublié une chose fondamentale, la bonne niya. Allez, هذا, il s'est égaré, wal'ayadu billah. Yaqulullah Azza wa Jal, on a cité le verset au début du dars, le premier dars. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. I'dilu, soyez juste. Wallahi, même si on réplique un Yahoudi, un Juif, ou un chrétien, on doit être juste. On n'a pas le droit de mentir, même un juif, on dit c'est un loti, c'est un homosexuel, et c'est pas vrai. On n'a pas le droit, là il y a juste. On n'a pas le droit, un Australien, on dit il a menti sur ce sujet, et il n'a pas menti. Là il y a juste. Qala alayhi sallam, al-zulm, zulumat, yawm al-qiyam. On n'a pas le droit d'être injuste. Si tu veux montrer le khayr, montre avec adil. Et si la personne ne l'accepte pas, c'est autre chose. Amma, ce kadhib, t'enlèves au début, t'enlèves à la fin, tu mets une phrase, tu conclus avec ta compréhension à toi, avec ta mauvaise niya à toi, fahadala. Ils ont demandé à Cheikh Havidahullah sur cette mas'ala, su'ila. À Cheikh Yahya Havidahullah sur cette mas'ala, as'ila tashab ib. C'est les mêmes questions. Vous vous rappelez, il y a un mois, deux mois, ils avaient posé plein de questions à Cheikh sur ces choses qu'ils lui reprochent. Et ils lui ont posé cette question. قال السائل هل تقرون قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل كلامه إلا بدليل أو حجة. Ils ont demandé à Cheikh Havidallah, est-ce que tu es d'accord avec celui qui dit on n'accepte pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sauf s'il a une preuve. Et on a vu nous, d'où ça vient. Le frère, il n'a jamais dit ça. Le frère, il a formulé une phrase et tu peux la comprendre comme ça. La fiyad al-hal, on montre que ce n'est pas la bonne compréhension. Et si on le conseille, reformule la phrase, taïb. À m'accuser le frère et Cheikh de Hada, c'est la yadjous. C'est du zolm. Khasat al-an, Cheikh, il va renier Hada. Qala. فقال الشيخ حفظه الله فأجاب الشيخ سدده الله هذا لا يقره من يعظم ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une personne qui aime et qui donne du respect au prophète صلى الله عليه وسلم, il va jamais dire ce calam. Il va jamais accepter ce calam. فكيف هو الآن إلى كز الشيخ تكسبتي هذا؟ قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم الشيخ il a cité beaucoup de dalils sur l'obligation de suivre النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحن on est ordonné de suivre النبي صلى الله عليه وسلم واحد vient il dit لا si le رسول vient quelque chose on lui dit est-ce que t'as un dalil. نعوذ بالله نعوذ بالله. كم de sunnah الآن nous on applique الشيخ عبد الله et ses élèves combien de sunnah ils appliquent. Le Rasoul il est mort, alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'on dit là, il faut chercher un délit? La sunna, c'est ça le délit. C'est quoi ce kalam? Alors, si on vient à rechercher dans les livres de Cheikh Yahya, combien de masaïl il dit, ça c'est halal? Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kada. Enfin, il prend comme argument la parole du prophète. Comment tu prétends, ayyuha al-kadhab, que Cheikh il dit là, la parole du prophète, on regarde si un délit l'aime là? A'oudou billah. Il a cité beaucoup de hadith, beaucoup de versets, on résume. قال كل هذه الأدلة تدل على وجوب قبول ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما أبانه وقاله حجة رسلا مبشرين ومنذرين مبلغين عن الله تعالى أي مبلغين عن الله. نعم هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور. يا جماعة ça vous montre l'importance de la niyya. N'oublie jamais قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Attention à ta niya. Wallahi, même si tu veux réparer, tu veux réformer, tu veux corriger, et la niya elle est mauvaise, tu vas faire que du mal. Et la personne, il se fait du mal à lui. Al-an, ce kalam, nous on le cite, c'est pas parce que ça nous fait du mal. Abadan. Nous, alhamdoulilah, on est à la haq, on sait qu'il y a le qiyama, on aura des comptes à rendre, et eux, ils auront des comptes à rendre. Aïe, ces accusateurs, ha'oula. Aïe, nous, on montre, il y en a barre d'un nas, ils comprennent pas. Et Bardanas, ils ont une confiance à Matalan à Arafat. Ils savent pas que c'est un gadab. Ils savent pas qu'ils citent que des bouts de phrases. Arafama, ils le croient. Ils l'écoutent. On montre. Les taqoum al-hujja. Celui qui suit. Alhamdulillah, celui qui suit pas. Wallah, il nous enlèvera rien du tout. Wallah, yom qiyama ya akhi, t'es tout seul. T'es nu. T'es tout seul. T'as des comptes à rendre. Ni foulain, il va t'aider, ni foulain. C'est ton cœur et tes amal. Enfin, vérifie ce cœur et vérifie ses amal. Et ne te fais pas avoir par le katra. Ouais, mais foulain, il a dit, mais pourquoi foulain, il n'a pas répliqué? Suis le haq, cherche le haq, fais le dua, et bien, idnillah, tu seras à la khayr. Ah là, on a fini les masa'il qu'ils ont lien avec Ar-Rusul wal-Anbiya, et cette accusation que Cheikh Havidahullah, il accuse l'Anbiya. Et on a vu l'an, si on résume la première masa'ala, أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ on a vu كلام أهل العلم قول عامة أهل العلم أن les prophètes ils sont pas infaillibles et ils peuvent se tromper لكن cette erreur le wahi Allah subhanahu wa ta'ala il révèle aux prophètes il la corrige. Enfin, on peut pas reprocher ça à Cheikh. C'est قول عامة أهل العلم قول comme quoi la sunna c'est pas complètement du wahi. On a vu le tafsir كلام ابن بطة c'est le même que Cheikh. Et Ahl al-Ilm sont à la hada, comme on a vu les kalam avant. Le dernier, la parole du frère, on a vu. Elle a été coupée et Cheikh, si c'est ça, il n'est pas d'accord. Et on a vu Murad al-Akh. Hada, anasallahu subhanahu wa ta'ala, et yuwaffiq al-jamaa. Demain, bi-idhnillah, on essaye de finir hada. Subhanakallahumma wa bihamdika.